وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني وإياكم منها. الحمد لله للسائق ونبغي وغلقهم على جيدة شمس عبد القمر وسولنا. Donc la préparé un petit bas. Et dans cela, il va être exprimé à ce rite du Jawaj, à l'envie du mariage. Comme vous savez, la Walima, c'est le repas de noces. Ce soir, c'est vrai que quand on commence à parler du mariage, c'est vaste. Le mariage, c'est très très vaste. Donc on va survoler quelques points. Des points essentiels, la Walima, le bain de la mer, comment quand on rentre, une fois que la Walima est passée, et avant et après. À la bonne quittade et après, non. Quand on parle de envie du mariage, déjà, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quittade, il est à quel moment on a ça. Allah subhanahu wa ta'ala, déjà, nous pousse au mariage. Quand il nous dit, c'est moi qui m'ai tendu, c'est une aïe أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Et parmi ces signes, il a créé de vous des épouses pour que vous viviez en proximité avec elles, et il a établi entre vous intimité et tendresse. Et il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent. وفي آية أخرى يقول حاكيا عن زكريا عليه السلام قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Oh mon Seigneur, donne-moi venant de toi une excellente descendance, car tu es celui qui entend bien la prière. Donc si tu es descendant, c'est que déjà il est marié. في آية أخرى يقول سبحانه وتعالى وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. Donc c'est ok, زكريا demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas le laisser faire des fils célibataires, en lui disant, et Zakaria quand il implora son Seigneur, ne me laisse pas seul sa femme et ses enfants. Seigneur, alors que tu es le meilleur des héritiers. Ça prouve encore ici que les prophètes demandaient à Allah par là le mariage pour avoir la descendance des enfants. Voici ayat al-ukhra, al-ibad al-Rahman. Qu'est-ce qu'ils disent? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil-muttaqina imama. Seigneur, qu'est-ce qu'ils font dans le dua? Seigneur, donne-nous à nos épouses et à nos descendants la joie des yeux. Et fait de nous un guide pour les cieux. Donc il y a des ouvrages. Yaqul, wankihu l'ayyama minkum, wa s'alikhina min ibadikum, wa imadikum, si yakounu fukara, yurlihimullah min fablih. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, mariez les célibataires d'entre vous et les gens de bien parmi vos esclaves, hommes et femmes. S'ils sont pauvres, Allah les rendra riches par sa grâce. Toujours des versets, car il y a toujours des gens qui peuvent se dire, mais moi je ne suis pas prêt, j'ai pas d'argent, j'ai pas de maison. Pense déjà au mariage. Pense déjà au mariage. C'est le premier chemin ici. وقال تعالى في آية أخرى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. Les Moufassirou, ils ont dit dans ce verset-là que ici, Qila, bi'annahu Shu'aib, que Shu'aib donne à Moussa alayhi salam une de ses filles. Et d'autres, ils ont dit que c'est Rajul Saleh. C'est un homme pieux qu'on ne connaît pas. Mais c'était un homme pieux. Qu'est-ce qu'il est dit ici? Je voudrais te marier à l'une de mes deux filles que voici. Toujours encore le mariage de la fille. Wa qala ta'ala. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. et c'est lui qui, de l'eau, a créé une espèce humaine, qui lui est par les liens de la parenté et de l'alliance. Subhanallah. Quand j'ai écrit ces versets-là tout à l'heure, j'ai médité dessus, je me dis, regarde, au livre, là, moi j'ai une femme, j'ai des enfants. Alors qu'en vérité, tes enfants ne sont même pas tes enfants. Allah, il t'est donné, bien sûr, mais il s'est unis par les liens de parenté. Mais en vérité, avant d'être né, il était fait à la même armée, il était dans le monde des uns comme toi. S'il ne connaissait pas, il ne connaissait pas. Subhanallah. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, Allah, il t'a donné des enfants, tu dis, ça c'est mon fils, ça c'est ma fille. Mais à l'origine, regarde où elle était, cette personne-là, dans le monde des âmes. Et c'est lui qui nous a unis. Regarde la sagesse divine, subhanallah. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Mais vous, sur la terre, vous n'avez pas les gens, c'est pas en fait. وقال تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. الله سبحانه وتعالى dans ce verset nous dit, c'est lui qui vous a créé d'un seul être dont il a tiré son épouse pour qu'il trouve de la fertilité auprès d'elle. Ô toi l'homme, tu ne peux pas vivre sans une femme, et la femme ne peut pas vivre sans l'homme. وقال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. الله سبحانه وتعالى dans ce verset il nous dit il est permis d'épouser deux, trois ou quatre femmes parmi les femmes qui vous plaisent. Donc quand on voit à la lumière de ces versets comment Allah سبحانه وتعالى incite l'insan, l'être humain à se marier, c'est qu'il y a un lien et il y a une sagesse derrière tout ça. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطيع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. Ici le prophète صلى الله عليه وسلم s'adresse aux jeunes gens. Ici c'est des jeunes gens, des gens non mariés. Parce que quelqu'un qui n'est pas marié, qui se retrouve à 40 ans, il fait partie de cette catégorie-là. Même s'il se retrouve à 40 ans et qu'il n'est pas marié, il rentrera dans ce hadith-là. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, jeune gens, celui d'entre vous qui est capable de se marier, qu'il se marie. L'union conjugale rend le regard plus décent et préserve physiquement les organes sexuels. C'est lui qui ne fait pas, alors qu'il jeûne. Car le jeûne pour lui, c'est une protection. Ici dans ce hadith-là, on voit aussi comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'adressant à des jeunes non mariés, trouve une fois de plus qu'il ne faut pas attendre pour le mariage. Il ne faut pas attendre. Celui qui a des moyens de se marier. Bismillah, il s'avoue qu'à l'Allah. Attendre quoi? Attendre la fin des études. Rien n'empêche pas. Tu te maries, tu fais tes études. Tu travailles. Alhamdoulilah, tu attends d'avoir quoi pour se marier? Alors d'avoir une taille de 10 000 ou la de 12 000? Avec moins de ça, les gens ils vivent. Alhamdoulilah. Et en plus de ça, cette femme-là, que Allah va te donner, Inch'Allah, si Allah fait le mariage, elle vient avec son risque. Elle vient avec son risque. Et il se peut que ça soit la cause pour que toi, après, tu trouves du boulot, tu trouves une maison plus grande. Parce qu'elle est venue avec son risque. Mais la parole au Rasulullah, il s'en a rassemblé sur le hadith d'un akhar. تزوج الوجود الولود فإني مكافر لكم الأمم يوم القيامة. Ici dans ce hadith là, le prophète nous enseigne et nous fait voir quand même qu'on a le droit de choisir ici. On a le droit de choisir. Et ça fait l'erreur de dire, moi c'est pas grave. Je me marie, c'est ça que je me marie. Il me dit, je me marie, c'est pas je me marie qui finit de la faire placer. Cette femme là avec qui tu vas te marier, c'est là qu'on a accordé une, deux, trois ou quatre ou plus. C'est une femme avec qui tu vas vivre sur terre et dans l'au-delà. Inch'Allah, si elle t'a suivi, c'est par Allah, bien sûr. C'est pas je me marie pour une période bien déterminée et après, salam alaikum. Ou bien je me marie pour une période bien déterminée, c'est de dunya, en pensant que c'est l'akhira, il n'y a rien. Non. Ta femme de dunya, Inch'Allah, si elle était montée à Allah et à Rasulihi et à Zawji, أسباب إخوان من القيامة إذا كنت من أهل الجنة مع هؤلاء فيه في فوسي في حدا لدغاشنا تغيسي فاق نذير كما في إيسي من هنا تبدأ وفي الجنة إن شاء الله تنتهي إذا تغذي كفتة دي تسامين كفتة أبو فيه de dire moi je vais me marier et je vais le préserver, je ne veux pas faire du mal, c'est bien, alhamdoulilah, de penser comme ça, c'est très bien. Mais sur les champs, le prophète nous a dit, sur le café de Marran, les Arbara, on se marie avec une femme pour quatre choses. Les Malira, les Djamalira, les Nasabira, pour les Dinira. Cette Bidine, pour les autres. On se marie avec une femme pour quatre choses attirantes chez une femme. Pour son argent, c'est la beauté bien, pour sa beauté, pour sa noblesse, son rang social, et pour son digne. Prends celle du digne de la religion, tu seras préservé. Tu seras préservé, tu auras bien choisi. Mais si une femme aujourd'hui, elle a de la religion et elle est belle, oui, c'est encore mieux. Si elle a de la religion, elle est belle, elle a de l'argent, mashallah. Et si elle a les quatre qualités, Allahu Akbar, c'est un grand cadeau de la part d'Allah. Mais de dire, non, moi je me marie, je ne regarde pas la beauté. Aujourd'hui, le frère, je vous le dis, et je ne dirai pas qu'il faut regarder aussi la beauté. Pourquoi? Parce que la religion aujourd'hui, comme on est faible dans la religion, il faut compenser avec autre chose en plus. La religion plus la beauté. Bon, l'argent, alhamdoulilah, de toute façon, qu'on n'est pas tous comme accro de l'argent. Mais la beauté, ça joue. Pourquoi, mes frères? Parce qu'on est dans un pays où la fitna, on la voit à l'extérieur. Alors si tu es à l'extérieur, tu vois une grosse fitna devant toi, tu rentres à l'intérieur, toi tu te dis, moi je me marie et je ne cherche pas la beauté. Quand tu rentres, tu te dis, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait, c'est une erreur. Il faut dire les choses comme quand tu es un chat, les frères. Alhamdulillah, tu as le droit, quand tu vas demander la main d'une femme, de regarder son visage. Regarde son visage, regarde-la bien. Regarde-la. Regarde qui t'attire en elle, qui te plaît en elle. Le gouvernement, moi je me marie, je me préserve. Au bout d'un an, il divorce. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, à ses yeux, elle n'était pas belle, mais lui, il a voulu se préserver. Non, merci. Tu as le droit de choisir. Mais il ne faut pas oublier le premier critère, c'est la religion. Attention, il ne faut pas oublier ce critère-là. La religion avant tout. Quand on regarde ce qu'il y a à l'extérieur, c'est comme si tu s'embellis à longueur de journée. Tu rentres chez toi, t'as pas choisi, on va voir le verdict. Non, il faut bien réfléchir, les frères. Le mariage, c'est très important. On s'amuse pas avec le mariage. C'est une grosse responsabilité. Faut pas qu'on dise non, c'est pas grave, moi je m'arrête avec elle, ça marche pas, on t'a l'air. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Ben, il est juste faux, c'est pas bien. Pourquoi on t'a l'air? C'est quand même une femme. Est-ce que tu accepterais ça pour ta soeur si quelqu'un se marie avec elle et puis 6 mois après il te la rend et tu dis moi j'en veux plus? Personne n'acceptera. Personne n'accepte ce chose-là. En fait, cette fille-là, c'est une fille d'un père. C'est la soeur d'un frère. Il faut respecter ce chose-là. Donc le hadith qui dit prenez pour femme celle qui est affectueuse. Le prophète aussi nous incite à prendre une femme affectueuse, une femme douce, une femme qui va aimer son mari. Pas une femme quand tu rentres chez toi, elle te... quand tu rentres du boulot, tu es fatiguée, tu fais discuter avec ton patron, elle rentre chez toi, elle te demande encore des comptes. Mais c'est les problèmes de l'extérieur à l'extérieur, et les problèmes de l'intérieur à l'intérieur. Ne pas mélanger les deux choses. Ne jamais faire rentrer les problèmes de l'extérieur à l'intérieur, et ne jamais faire sortir les problèmes de l'intérieur à l'extérieur. Attention les frères. Il y en a qui sont nouveau mariés, il y en a qui sont mariés, qui connaissent déjà ça. Il y en a qui ne sont pas mariés. Des problèmes de l'extérieur, il faut les laisser à l'extérieur. Ne pas les faire rentrer dans son couple ou dans son chez-soi. Et ceux de l'intérieur, ne pas les faire sortir non plus. Si tu discutes avec ta femme, ça arrive. Dans les couples, on discute. On discute avec ta femme. Tu ne vas pas prendre le froid si on lui raconte tes problèmes. Non. Ça ne lui regarde pas. Tu ne racontes pas tes problèmes. Tu peux lui demander des conseils. Mais on doit savoir comment. On doit savoir comment. Comme une fois, il y a une sœur qui a raconté à une autre sœur. Elle a dit, ouais, la femme d'un homme, regarde la coupe qu'elle s'est faite, une coupe comme les garçons, et ceci, cela. Après, c'est parti dans les oreilles de nos sœurs, les sœurs c'est parti dans les oreilles de nos sœurs, la sœur elle a rapporté à son mari était sale, il allait voir un sale, il a dit, c'est le sang là, ça fait mon gars, son mari, ceci, cela. Et puis, il s'est arrivé à ses oreilles. Ah ben, les problèmes, comment ils arrivent? Je vous raconte pas. On n'a pas à raconter ces choses-là. Et tout ça, ça rentre dans l'éducation. Ça rentre dans l'éducation. La deuxième caractère que le prophète a mis ainsi, ici, c'est donc, prenez pour femme celle qui est affectueuse et féconde. Comment féconde? On ne peut pas savoir si bien sûr elle peut avoir des enfants ou pas. Mais par rapport à sa mère, par rapport à sa grand-mère, est-ce que sa grand-mère a eu beaucoup d'enfants? Est-ce que sa mère a eu beaucoup d'enfants? Donc, une charlatan de lui-même, il y a des choses qu'on reçoit par hérédité. Mais si on sait que sa mère n'a pas eu beaucoup d'enfants, c'est la seule, et la grand-mère, elle a eu aussi la mère, là on commence à se poser des questions. Juste parce que ma femme aussi ne pourra pas avoir beaucoup d'enfants. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Je voudrais surpasser en nombre toutes les autres communautés le jour de la résurrection. Donc il ne faut pas aussi qu'on nous fasse rentrer les choses d'idées. Ah non, moi deux, ça me suffit, des enfants. Non! Allah fait le quoi? Ça devient la pêche, t'es jeune, fais beaucoup d'enfants, Inch'Allah. Fais des enfants. Ça c'est le khir, ça c'est le barakah. Je dis, oh non, moi je fais un, deux, c'est suffisant. D'accord, t'as compris la valeur des enfants alors. Surtout quand tu regardes après ta mort, si tu as laissé des enfants pieux, vous ne savez de rien. Allahumma khfir li walidayya kama rabbayani saghira. Allahumma arhamhuma, Allahumma sabbihna. Allahumma si tu as enseigné à tes enfants le Coran et tu connais le Coran par cœur, le jour du jugement dernier qui arrive sur un plateau, tu connais ta femme, tu es élevé avec une couronne en or. Mais qui sont ces deux parents-là? Ce sont des parents de l'Hafid du Coran, ils connaissent le Coran par cœur. Dans la place qu'elle est élève. Celui qui a trois fils, il est venu dans l'islam, il est venu dans l'islam. Celui qui en a deux, il est venu dans l'islam. Et celui qui en a une, il est venu dans l'islam. Allah Akbar. Les enfants, c'est le khair, c'est le baraka. النكاح سنة من سنن الأنبياء وشعار من شعار الأتقياء به يجعل الله البعيد قريبا والقريب حبيبا. الله أكبر. النكاح لو مارياج c'est une sunna parmi les sunnas des prophètes. Et c'est le shi'ar. Shi'ar, ce sont les choses distinctes des gens pieux. Le shi'ar al-atqiya. Bihi yad'alu Allah al-ba'ida qariba. Par l'intermédiaire de ce mariage, Allah il s'est rapproché les éloignés. Wal qariba habiba. Et les proches, il les fait aimer de plus en plus. وقد نزلنا الله ورسوله إليه كما جاءت الآيات والأحاديث حدثت عن ذلك. Comme aussi on peut le voir dans les versets qu'on a entendus et que le prophète صلى الله عليه وسلم nous a dit par l'intermédiaire de ses paroles, comment il nous a poussé au mariage, comment il nous a incité au mariage. ومن حكمة النكاح et parmi les sagesses du nikah, du mariage, on va en citer quelques-uns parce qu'on ne peut pas tous les citer. Et après, on expliquera, Inch'Allah, qu'est-ce que veut dire le mot nikah, parce qu'il y en a peut-être qui ne savent pas ce que ça veut dire. Donc, une hikmat du nikah, parmi les sagesses du mariage, qu'est-ce qu'on peut en ressortir? Al-ifqa'u ala naw' al-insani bit-tanasul al-natij an-nikah. Qui veut dire? La première des choses, perpétuer le fait lui-même par la procréation qui résulte du mariage. Le fait de se marier, de s'accoupler comme ça, la race humaine, ma compétence, elle est toujours là. Toujours là, derrière. Mais si toi tu te maries pas, et moi je ne marie pas, et l'autre tu te maries pas, et l'autre tu te maries pas, et là... Ah ben voilà, tu vas venir, tu vas laisser ta place, et tu n'auras plus personne. La deuxième sagesse. حاجة كل من الزوجين إلى صاحبه لتحسين فرجه بقضاء شهوة الجماع الفطرية. Ici, satisfaire le désir que pour chacun des deux conjoints, ou à la haya afidine, il n'y a pas de honte en religion, en vue de satisfaire son besoin sexuel afin de se préserver de l'adultère. Parce que si tu fais ça dans le halal, tu fais ça dans le haram. Tu pourras te préserver, mais si à ton ennemi déclaré que lui ne te lâche pas, shaitan, الشيطان لله. Tu peux te marier pas dans le halal, tu fais pas ça dans le halal. Ah ben tu vas les détester ça dans le halal. Le shaitan il sait ce qu'il veut. Il sait que tu es en train de bâtir, en train de construire. Mais toi tu vas faire une seule fois zina. Une seule fois zina. Allah yahfadna. Tu tombes. Tout ce que tu as fait tombe à l'eau. Tu es obligé de recommencer à zéro, tu es obligé de refaire ça au bas. Tout ce que tu avais bâti en 10 ans d'âge, 15 ans d'âge, c'est parti. C'est ce que tu veux, shaitan. Et même comme les sadaqa, c'est la marahma rabbina. La troisième sagesse, ta'awunu kullin min az-zawjayn 'ala tarbiyat an-nasl wa al-muhafazati 'ala hayatihi. La troisième sagesse ici, c'est l'entraide des deux époux à élever les enfants quand il y en a, bien sûr, et à assurer leur vie. D'accord, Allah t'a donné des enfants, mais maintenant ils sont en train de soin. Ils sont en train de soin. C'est une amana qui sur son dos, toi et ton époux. Faut pas te laisser les enfants. Mais ça se fait à deux. Aussi, تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة على أساس من الاحترام والتقدير وتعاون في دائرة المودة والمحبة. Je veux dire ici, nouer des relations de bonnes ententes entre les deux conjoints dans le cadre de l'amour, de la considération et du respect. Une chose très très importante. C'est très très important quand on se marie. La femme qui est en face de toi, c'est ta femme, mais c'est aussi ta soeur en islam. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Parce que des fois, on a tendance à l'oublier. Que ma femme, ça, j'ai tous les droits sur elle. Là, c'est pas tous les droits sur elle, mais après. Tu as des droits, elle a des droits sur toi. Tu as des devoirs, elle a des devoirs. Mais toujours les aimes, la balance. Wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ar-rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. ذلك خير واحسن تاويلا. Quand on dit plus, tu lui dis attends, voilà le Coran, voilà la Sunna. Allez, dis-moi ce que tu as à dire et je te dis ce que j'ai à dire. Mais faut pas te dire, ah, ça y est, on se met le mari et tu commences à t'énerver et je te rentre dedans, une claque, un coup de poing. C'est pas fini comme ça. Où sont les divorcés? Pourquoi on est jusqu'à là? Il y a des couples qui s'insultent. Ils s'insultent de tous les noms. Ils se frappent, ils se bagarrent. Par la femme qui la voit là, je sais quoi. La mère de tes enfants, tu peux lui faire ça? La femme de tes enfants, la mère de tes enfants, tu peux lui faire ça? Tu peux l'insulter? Et tu la regardes en face? Quand tu n'as plus de respect, tu n'as plus la peine de continuer à vivre avec elle. Mais pourquoi arriver là? Parce que on ne s'est pas tenu au Coran et à la Sunna. On n'a pas vu les conseils d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et les conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète nous a dit que la femme a l'esprit de la coupe d'Adam. Si tu essaies de la redresser, elle se casse. Si tu la laisses, elle reste comme elle est. Dis avec ça et patience. Mais faire ça, la part des choses. C'est-à-dire, en plus, il faut trop aussi ouvrir ses pléthores et puis c'est non. L'homme, c'est un homme. C'est lui qui tient le porte-monnaie à la maison, c'est lui qui tient les reins, c'est lui qui décide les choses. Mais si tu te mâcheras avec ta femme, c'est bien. Tu mâcheras ici, tu vas donner des idées que tu as travaillé par ta femme. Surtout pour les choses de la maison. Pour les choses de la maison, ça sert à rien si bien tu dis, ouais, moi, la maison, c'est pour les choses des femmes. C'est comme pareil pour la cuisine. Moi, je vois mal un homme rentrer dans la cuisine, et puis commence à regarder ça comme ça à la cuisine. Tiens, ils m'ont dit, qu'est-ce que toi, tu m'as dit, ça veut du poivre. Ça m'a fait ça. Donc, si c'est cuisinier, ça, c'est autre chose. De métier ou de formation. Et ça, ce sont les choses de la femme. Celles qui s'occupent de la cuisine, celles qui s'occupent de la maison. C'est obligé de bien faire à pour la maison, c'est pas toi. C'est tout à fait normal. Comme elle ne va pas se mêler de ce qui est à l'extérieur. Si tu es commerçant, si tu as ton boulot, si... Elle ne va pas se mêler, elle ne va pas se dire tiens, qu'est-ce que t'as fait, ceci, c'est quoi et pourquoi t'as... Chacun a sa place. Chacun a sa place. On a dit. Un nikah, qu'est-ce que ça veut dire un nikah? Il y a plusieurs mots pour exprimer le nikah et le mariage. Il y a le zawaj, il y a le nikah, il y a le zafaf. Mais pourquoi on a utilisé le mot nikah ici? Parce que dans le Coran, le plus souvent, c'est ce mot-là qu'on retrouve. On peut dire tout le temps. On retrouve toujours en général le mot nikah. عندها أما سبحانه وتعالى القطر يبطار بالنكاح إلا contrat de mariage. Le contrat de mariage. Mais, à deux reprises dans le Coran, le mot nikah ne veut pas dire mariage là-bas. On va voir c'est quoi ces versets-là. À deux reprises. Donc on a dit d'abord un nikah ou c'est sharaf. C'est sharaf, c'est quoi? Yutlaqu ala aqdi tazwij. L'acte de mariage. Quand on vous entend le mot nikah, c'est hop, l'acte de mariage. Wa alfad al nikah al warida fi al Quran al ma'na biha aqd al tazwij. كما نجي على قول أكثر أهل العلم إلا في موضوعين. الأول نقول سكوا الله سبحانه يقول وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح كيف يقول ici éprouver les orphelins jusqu'à qu'ils atteignent l'aptitude du mariage. Donc ici éprouver quoi la capacité ici هنا المعنى بالنكاح هو المراد به الحلم. الحلم c'est quoi? C'est la puberté. À partir du moment où il est pubère et qu'il commence à comprendre les choses de la vie, là, on peut marier. Et puis, il comprend rien de la vie, c'est un petit jeune homme et qu'il n'est même pas encore pubère. Donc ici, le mot nikah, c'est pour dire la puberté. Le deuxième passage, où Allah s'en a dit, c'est dans le verset « Hatta tansiha zawjan ghayra » jusqu'à ce qu'elle se marie avec un autre homme. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas pu penser que c'est facile de se marier. Non. On a simplement pris le mot nikah. Ça vient qu'à voir la différence. Un nikah, c'est là, on va expliquer par notre personne, parce que c'est important. Un nikah, c'est là, c'est quoi? Quand la fille a un bas de la main, parce qu'ils ont dit dans la magie, elle mourra de vie, elle voit ce qu'on. Le voit ce qu'on, c'est quoi? C'est là qu'on se met. C'est le fait. Le fait d'avoir un rapport avec son époux. C'est le dîner. Ici, un nikah. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque personne qui a fait un jeune rêve. C'est le Coran islam, vous savez que quand on est divorcé, on a le droit à trois divorces. C'est dire ça. C'est ta femme, si tu es mal entendu avec elle, tu vas divorcer. Tu vas divorcer, il n'y a qu'à l'heure. Tu l'as, la haine. Trois périodes de mensonges pour la reprendre. Je ne parle pas de trois mois. Et de trois périodes, ce n'est pas calculé en mois. Trois périodes de mensonges pour la reprendre. Si avant ces trois mois, on va calculer en mois, hein, pour qu'on comprenne la situation. Si par exemple, ces trois mois-là, tu voulais reprendre ta femme avant donc les trois mois qui sont écoulés. Au bout de deux mois, tu te dis, mais en fin de compte, c'est vrai que c'est moi qui suis injuste envers elle, et tout ça, c'est ça, c'est tous les enfants et tout. Ben allez, je la reprends. Tu peux aller la rechercher avec tes parents. C'est rien du tout. Tu la récupères. Si passé ces trois mois, tu décides quand même de la reprendre. Tu peux la reprendre. Mais avec un nouvel acte de mariage. Et ça te sera passé comme un divorce. Attention, il va t'en rester deux maintenant. On continue. Tu t'es embrouillé avec elle une fois de plus et puis à démarrer, ça y est, je décide. Il n'a quitté rien. Tu es divorce. Tu la ramènes chez tes parents. Rebelote. Tu as encore trois mois devant toi. Tu veux la reprendre avant les trois mois écoulés? Tu la reprends sans ça? Les trois mois sont passés, mais tu as quand même fait des remords, des regrets, parce que vous savez le faire, et puis non, en fin de compte, parce que ça, que je ne savais pas, il m'a eu cette. Mais c'est fini, il n'aura plus. Tu vas la chercher. Au bout des trois mois passés, tu devras refaire l'autre acte. Attention, parce que c'est déjà deux divorces. La vie continue, la vie est belle, un an plus tard, deux ans plus tard, tu t'es encore embrouillé, tu es légère, et tout ça, ah, tu es divorcé. Cette fois-ci, divorcé, c'était la dernière fois. Tu as trois mois pour la récupérer, tu ne la récupères pas dans ces trois mois, si tu veux la récupérer après, elle sera obligée de se marier avec un autre homme. Et que cet autre homme a eu des rapports avec elle, parce qu'il est rentré en homme. Et après, si tu veux la récupérer une fois que ça part son consentement, donc qu'elle est divorcée de cet homme-là, et encore, c'est pas dit qu'elle va divorcer, parce que ça se trouve, elle va trouver le bonheur qu'elle n'a pas trouvé avec toi, donc ça, c'est la première des choses. Alors après, tu veux pleurer, tu sais où aller pleurer, c'est la fin. Ou bien, si t'as rangé un décès, si son deuxième mari, donc il est décédé, et qu'elle est présente toute seule, et qu'elle veut revenir avec toi, là, il n'y a pas de problème. Mais si elle se marie, si elle se marie avec un autre homme, et que il l'a touché. Là, après, tu peux la reprendre avec les deux conditions, comme on l'a dit. Il faut, c'est quoi les deux conditions? Ou il décède, et qu'elle décide de revenir, ou qu'elle divorce et se rend compte qu'elle ne s'est pas bien entendue avec lui. Mais il faut que ça vienne d'elle. C'est pas comme ça, vous allez voir son mari qui dit que je te donne un petit peu d'argent et tout, comme certains font, qu'on appelle le nikah al-muhallal. C'est pour rendre halal sa femme qui n'était pas halal. Et bien, halal, mais il y a tout, c'est l'islam. On rejoue que ça passe une chose. Hans, très bien. Il y a des gens qui font ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir un temps, voilà, je te donne 45 francs, mais tu divorces l'enfant, quoi, c'est l'enfant, c'est pas la sienne. Alors, lui, il va prendre avec ta femme, allez, je te divorce, c'est comme ça qu'il faut la reprendre. Ah ben là, il y a juste. Tu restes, tu restes qui? Tu restes toi, tu restes lui, tu restes, tu restes qui? Oh, Rabbi, tu vas pas aller chauffer. Il te voit, Rabbi. Même si tu fais un rappel. Il est battu sans avance. Donc on appelle le cas al-Muhallal, c'est pour rendre l'équipe qui peut être illicite. Mais ça reste toujours illicite. C'est pour ça que tu peux pas aussi déconcentrer ce conseiller, il ne quitte pas. Il y a trois choses avec quoi on joue pas. Il y a trois choses avec quoi on joue pas. Avec le divorce, avec le mariage, avec l'affranchissement de l'esclave. Si tu as dit à quelqu'un, un célibataire se marie à ma soeur, ça y est, hein, il a le droit de prendre ta soeur. Hein. Si tu dis à ta famille qui est à l'époque, ça compte comme un divorce, hein, même pour rigoler. Et si tu as affranchi un esclave, tu es libre, allez, même pour. Toi, tu l'as dit pour rigoler. C'est le seul de la ressortir. Tu aurais été dans un état islamique et tu rapportes tes paroles au cadi, au juge, il va dire, ouais, oh, mon maître m'a dit qu'il n'y a qu'un esclave, ça y est, tu es libre. Le juge va lui donner raison. Attention, il ne faut pas jouer avec ces choses-là. Trois choses avec lesquelles le prophète nous a dit attention, ne joue pas avec ces choses-là. Donc voilà, comme je l'ai dit, on a trouvé la femme, on s'est marié, on a fait un football, etc. On va passer ce détail-là. Hein. Ça, c'est une question administrative, on ne va pas rentrer dans les détails. Le jour venu, on en parlera. Là, maintenant, on arrive à la Walima. Comme le frère Abdel-Samad aujourd'hui. Al-Walima, c'est quoi Al-Walima? Al-Walima, comme on l'a dit, c'est Taram al-Ajd. C'est le repas de noces. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Innahu la buddha al-Asri lil-Walima. Rawahu Ahmed. Quelqu'un a fait un mariage, il faut qu'il fasse un repas de noces. Mais attention, attention. Laïsa al-Wujoub ad al-Amr. Il n'a pas d'aller le reste, mais nous allons l'inviter. On va le voir dans le chapitre de deuxième aussi, qui est encore plus clair. Quand il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Abdelrahman ibn Aouf, l'âme n'a pas d'aller, quand il s'est marié, qu'est-ce qu'il lui a dit? Aoulin, walou bichet. Ce qui veut dire, célèbre tes noces par un festin, même avec un seul mouton. Ici, en arabe, on a un verbe. Aoulin, c'est de l'impératif. Amar. Celui qui a fait de la grammaire, il sait que l'impératif, c'est reçu le wujoub. Ça donne une vie d'obligation, sauf dans ce cas-là. Ici, c'est la vie istihdad. Même istihdad. Ah oui, si tu n'as pas les moyens, on va lui dire de voler un mouton pour faire sa tête. Non, si tu n'as pas les moyens, il fait des marsata, de ce qu'il peut. Même s'il peut, il a des efforts pour quoi? Pour prendre un thé. Il n'a pas les moyens. Il a des efforts, il prend un thé. Un peu de cacahuètes, des choses comme ça, on discute, on se rencontre, alhamdulillah. Les enfants sont pas là. Donc ici, c'est le mystère. Mais celui qui en a les moyens qui ne le fait pas, non. Celui qui en a les moyens qui ne le fait pas, non, ça c'est pas bon. Le qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, une chose aussi. L'homme du'aïa, il a urtu, celui qui est invité à un mariage, à un nahwihi, ou une chose pareille. Mariage, aqiqa, une chose licite, pour ne pas dire licite. Hein? Du'aïa ila rasim, au nahwihi, il doit répondre à son invitation. Il doit répondre à son invitation. Donc bien sûr, en cas où il ne peut pas, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Quelqu'un qui est malade, il ne peut pas répondre. Il est tombé gravement malade, il ne peut pas répondre à l'invitation. Ou quelqu'un à la dernière minute, il devait voyager. Ça, c'est une excuse valable. Si quelqu'un n'a rien à faire, il va rester chez lui à traîner ou je ne sais pas quoi faire, il doit répondre à l'invitation de son frère. Il t'a fait honneur, tu lui fais honneur. Ouais. Il y a aussi une chose qui est précisée dans cette habitude du prophète qui est rapportée à la voie musulmane. Il y a aussi un chose qui est rapportée à la voie musulmane. Il y a aussi une chose qui est rapportée à la voie musulmane. Il y a aussi une chose qui est rapportée à la voie musulmane. Tu sais que là-bas il va y avoir des chants non lycéens, de la musique, de la guitare, etc. Ou bien tu sais que ça va être irrégulier, il va y avoir des femmes mélangées avec des hommes, des fois comme des fois on peut voir dans les salles de fête où ils invitent tout le monde et se mélanger. Tu sais qu'il va y avoir de la musique, tu sais qu'il va y avoir l'irrégulier et tout. Là tu peux ne pas répondre à l'invitation. Là tu peux. Mais si tu sais que celui-ci, que tu es entre frères et que tu n'as pas d'engagement, tu devras répondre à l'invitation. Autre chose aussi, من دعاه اثنان تقدم أولها. Si maintenant tu as deux invitations dans le même jour, ton frère Abu Talha t'a invité pour sa walima et ton frère Adil t'a invité pour sa rafira. Abu Talha c'était le premier. Mais Abu Talha, bon, c'est un grand riche, il va le faire quoi? Il va le faire. Il va nous remplir le ventre. Tu sais qu'Adil, mashallah, il va te remplir le ventre. Ah, je vais aller sur Adil. Là, là, je vais. Tu reprends la première. On parle de ça parce que ça se passe comme ça. Ça se passe. Ah, lui, qu'est-ce qu'on va manger? Je vais manger des petits poulets là. Là-bas, je suis au Verda. Elle est là. Non. Tu devras répondre à la première. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'on en a vu des cas pareils. On en a vu des fois, t'as deux invitations, trois, ben, il fait le choix. Attends, regarde là-bas. Pourquoi? Parce qu'on s'est éloigné des enseignements d'islam. On s'est éloigné des enseignements d'islam. Donc on a dit, on a dit, ah, l'islam, il fait, qu'adana awlaha. Une autre chose dans le walima aussi. Ru'ida alaha al-faqiru, c'est l'armiya. Le walima. Celui qui fait le walima, il devra inviter pas que les riches, il invite les pauvres, et les riches, qu'est-ce que ça veut dire? Il ne doit pas faire le choix. Ah, lui, c'est un muslim, j'ai pas d'intérêt avec lui, je l'avais pas. Ah, lui, c'est un truc de l'unis, c'est un truc de kadak, ah, je l'avais bien. Bon, le walima, c'est tout le monde. Le pauvre, le riche. Tu ne fais pas de distinction. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit dans un hadith? Sharru ta'ami. طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها رواه مسلم. Ici le prophète s'en fait ici. Le pire des festins est bien celui de notre Naam où on en éloigne ceux qui désirent qui rentrent et on invite ceux qui ne le voudraient pas. Quelqu'un veut assister à ce. Il faut lâcher le chôme. Et bien oui, je sais marier tout. Il veut assister à ce chôme du Mara. Et on le dégage. Ou celui qui s'en fout, il n'a même pas envie de venir parce qu'il a d'autres préoccupations, on l'invite à Arwah Arwah. Le prophète, comme on l'a dit, c'est le pire des festins. Et l'autre chose aussi à savoir, on ne l'a yujib et da'wata, faqad asallah wa rasoulahu. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète s'en fout aussi, on ne l'a yujib et da'wata, faqad asallah wa rasoulahu, rawahu muslim. Celui qui a refusé de se rendre à une invitation, sans raison valable bien sûr, c'est comme s'il avait dit à Allah et à son prophète. On ne s'amuse pas avec les choses de la religion. Mais on descend, ah, c'est une invitation, on va s'amuser. Non, c'est un amusement. On ne s'amuse pas avec les choses de la religion. C'est des choses très importantes. Le frère, il a préparé, machallah, ils se sont fatigués. Alors, tout d'un coup, il ne va pas, et moi, je ne vais pas, et l'autre, il ne va pas, et non, il ne va pas, il se retrouve. Il attend la soirée tranquillement, il y a un, deux personnes qui viennent, et le reste. Et ça devrait dire qu'est-ce qu'on va en faire. Et la fatigue des gens qui ont cuisiné, et les dépenses pour les achats. Une chose aussi importante. Même du Riyah wa Huwa Fa'i, c'est qui jeûne, qui fait un jeûne surérogatoire, et qui l'a invité à une olima. Bon, il va pas dire aux gens, écoutez, c'est une crise d'âge, je suis saïm aujourd'hui. Il ne peut pas dire. Hein? Même le ayah wa huwa saïm, ajab al-da'wata, il répond à l'invitation. Il doit répondre à l'invitation. Et en a-t-il, incha'a akala, incha'a la formu tatawwa'an, وإن شاء باع لهم وخرج. Finalement, la personne a déjà fait un avion, un jeudi, ou par exemple, les trois jours de l'AML2, hein, il a été invité à un moment, mais normalement, elle n'est pas venue. Alors, je me rends, elle est là, par exemple, pour le radar, à 2h, 3h, il a venu faire un moment comme ça. Si tu es sans eux, il doit répondre à l'invitation, donc ça veut dire quoi? Tu dois être présent. Si tu veux manger, tu manges. Si tu ne veux pas manger, tu ne manges pas, tu fais des durables et tu sors. Tu as le choix. Il ne faut pas dire non plus, oh, je peux se parler, mais tout ça et ça, est-ce que, ah oh, non, non, je ne peux pas manger. Le prophète, c'est ça même, il nous dit, dans le hadith, le prophète, il a dit dans ce hadith-là, il a dû aller à Hadoukoum, c'est le djib. Celui donc qui a été invité à une invitation pareille, il doit répondre à l'invitation. Si par exemple, il jeûne, فليصلي يعني معناتها قال يدعو يغيطو على فيتاسيون وان كان مفطرا فليطعم سمي كيلو سموش اللي با على طاب الصائم اللي با اجان يموش سمي كيلو مثلا موجي يموش كيلو با موجي كون سيدي اجان يبو يبغو دو شوزي سمي كيلو ريبوند ان موجان لي ريبوند بونجور دي سونسي سكي بدي تخيا. الحمد لله ولينا لفاصلين الفصال ستفصغ غصر بذلك ستفصغ بطوصي إعلان النكاح بالدف نسدنا في المعياج ذلك الطنبوخ نسدنا في المعياج ذلك الطنبوخ هذا في من السنة لبخطة الذي دل الحديث فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت حديث عبد الطفل أصحاب السنة إلى أبو داود donc ça va être Tirmidhi ou Ibn Majah ou Al-Nasa'i. Ici le prophète qu'est-ce qu'il dit dans ce hadith sallallahu alayhi wa sallam, ce qui distingue l'union mystique d'une union illicite, c'est le tambour et les chants. Mais quand on dit les chants, c'est pas les chants avec la guitare et le piano, c'est les chants avec la parole. Donc ce que je fais pas quand certaines personnes qui s'occupent des chants, ils disent des chants des fois de harb, des fois de joie, des fois ils utilisent des mots comme ça, comme des airs poétiques. Ça chantonne. Et donc, quand ils sont des chants, c'est pas les chants avec la guitare et le piano, hein. C'est les chants, les paroles, les éloges qu'on fait au nouveau marié, etc. Alhamdulillah, on a bien mangé, on a annoncé le mariage, maintenant, ben, il est temps de se quitter. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait dire à frère. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit qu'est-ce que le prophète nous a enseigné. Barakallahu laka, wa baraka alayka, wa jalla'a baynakuma fi khair. Ça c'est la parole du prophète, c'est un hadith rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu qui dit إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان يعني إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير رواه الترمذي. Mais bien sûr on peut faire beaucoup de dua aussi avec celle-ci. Aussi, tu as la fête d'un beaucoup d'enfants, tu as la fête d'un beaucoup d'enfants, tu as la fête d'un bonheur et de joie, tu as la fête d'un bonheur, etc. etc. On a fait la dua. Maintenant, il va nous quitter. Salam alaikum. Il va retrouver sa demi-moitié de lui. C'est vrai ou pas? Sa demi-moitié de lui. Maintenant, les demi-moitié de sa soeur, là-bas, elle attend. Il a d'akhala à la zawji. Akhada bina fiatina wa khal. Il faut se rendre à la maison. Voilà, il se rend à cette façon. Il lui met la main ici. Il fait une dua comme le traité de sa famille d'enseigne. La dua c'est quoi? اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جلبتها عليه عفوا بارك الله فيك جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه رواه ابن ماجه وأبو داود. كيف دير Seigneur, accorde-moi les bienfaits pour lesquels cette femme est créée et préserve-moi des méfaits pour lesquels elle est créée. C'est bien sûr. Parce que tu sais que tu as en face de toi une femme qui est faible. Tu ne vas pas la dire à la voix haute cette dura-là. C'est ça. Marié déjà, mais pas encore marié. Le mal, le bien, je sais qui est philosophe là. Tu vas le voir avant d'un. Tu sais que tu es en face de toi, une femme qui est déjà dans la religion, qui a appris, qui connaît, qui sait que voilà, il y a tel dua à tel moment là. Elle va l'accepter. D'accord?